Courvoisier et Bernard Minet. Jason Derulo, Marc Dutroux et Loana. Au monde. Ils ont tous répondu oui à une interview exclusive sur Tortoli et Arbatax. Direct depuis New York City. Tes artistes préférés seront là. En live. Rien que pour toi. Les plus grands DJ en set exclusif. C'est surtout du hit. Toi petit chat, chat, chat, chapeau de paille. Hit. Petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney. Hit. Je me sens définitivement comme une bombe à triste. Définitivement. Radio Panique, Radio Panique. Hit music only. Tortoli et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Vous écoutez Tortoli et Arbatax, vous écoutez Radio Panique. Vous écoutez le 105.4, c'est vous ça. Écoutez votre MP3, vous c'est écoutez ça. Votre iPod, vous c'est écoutez ça. Votre chaîne Hi-Fi, c'est ça. Vous écoutez un peu tout ce qui vous... Tout ce qui vous permet de nous écouter. Voilà, tout ce qui sort du son, qui crache du son. Et on est là pour vous jusqu'à 18h, 60 minutes de son. Ça va cohérer ou pas. Du hit. Pas forcément. Du hit. Comment ça va, Tortoli? Ça va, tranquille. On a bossé à mort. Normal, c'était les... Ça fait 30 ans qu'on est sur cette émission. Voilà. Voilà, mais en tout cas j'espère que vous allez bien, aussi bien que nous. Et en tout cas j'espère que vous allez beaucoup mieux que les artistes qu'on va passer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est une spéciale. Voilà, en fait les artistes sont un petit peu dead hein. Les artistes qu'on va passer aujourd'hui n'ont pas d'actualité, j'ai envie de dire. Oui, c'est... Hein, on va pas présenter à part le, à part leur anniversaire. Ah, voilà. L'anniversaire de leur mort. Voilà, puisqu'en fait la thématique est un petit peu improbable, mais on est au mois de mai et vous savez que demain c'est le 11 mai, c'est les 30 ans de l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Et on a décidé de se passer bien sûr un Bob Marley ou deux, normal, mais on s'est dit on va pas faire toute l'émission sur Robert Nesta Marley, quoi. Parce qu'on s'est dit il y en a d'autres, quoi. Voilà, ouais, il y a pas que des fans de reggae qui écoutent Tortoli Arbatax. C'est bon, je veux dire Bob Marley n'est pas le seul privilégié à être mort en mai. Il y a beaucoup d'autres artistes qui sont morts en mai. Ah oui, il y en a des très grands. Et je voilà. Je peux te les lister. Vas-y, enfin, on fait un petit florilège pour nous allécher, pour nous mettre l'eau à la bouche. Napoléon, Louis XV, Voltaire, Ben Laden, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc. Que des artistes. Marcel Béliveau, Robert Laffont, Voltaire, je l'ai déjà dit, Alfred de Musset, Flaubert. Flaubert. Ouais, je pourrais continuer longtemps. Ouais, c'est mais je répéterai ma liste. Mon bouquin préféré, Zadig et Voltaire là. Zadig et Voltaire. Bon, bah voilà, vous avez compris un petit peu le thème. Donc, et en parlant de ça, y a toujours un générique, hein, bien sûr. Bon, on vous rappelle vite fait l'émission. Donc, à part la musique, il va aussi y avoir l'expression de la semaine qui va arriver, où Tortoli et moi-même, on se confronte sur une expression qu'on défend. Enfin bref, vous verrez bien. Il y aura aussi l'agenda culturel de la semaine sur Bruxelles. Mais il y a tout de suite un générique. Et oui, il y a tout de suite un générique, et c'est un générique d'un artiste. Enfin. Comment dire, artiste, non, c'est un comédien. Ouais, mais l'artiste de cette chanson n'est pas mort. Enfin, du moins, on n'en sait rien, quoi. Ah, en fait, alors voilà. On sait pas qui malheureusement, c'est. Non. C'est un français, mais qui fait la doublure. C'est donc un générique. C'est le générique d'Arnold et Willy, puisque rappelez-vous du petit Arnold Jackson, donc le plus petit des deux frères, ouais, d'Arnold et Willy. Qui a fini gardien de parking. Et ben voilà, ce mec est mort à 42 ans. C'était un 28 mai 2010, il y a à peu près donc un an. Arnold Jackson, de son vrai nom Gary Coleman. Voilà, ça nous a tout de suite fait penser au générique. Arnold et Willy, Tortoli Arbatax, en bonne et due forme. C'est le générique de la semaine, vous êtes sur Tortoli Arbatax. Mettez-vous à l'aise, on est là, 60 minutes. Feu Arnold. Faut le tout pour faire un monde. de retour sur le 105.4 INA Bruxelles Town. Tu nous écoutes aussi en streaming sur radiopanique.org. On est le mardi 10 mai et on est sur une spéciale artiste décédée un mois de mai et à commencer par Bob Marley. D'ailleurs, en parlant de ça, je viens juste de voir que Gary Coleman, le petit Arnold de Arnold et Willy, il était né dans l'Illinois, un état des États-Unis, dans une ville qui s'appelle Zion, ma gueule. Il s'appelle Zion et ça nous enchaîne parfaitement. Like a lion. Like a lion. Ça nous enchaîne parfaitement justement sur la suite, puisque la prochaine doublette, c'est évidemment hommage à Bob Marley. Bob Marley, mais on va pas se passer des morceaux originaux de Bob Marley, on va se passer des remixes, quoi. Hein. Voilà, parce qu'on va pas tourner autour de la tombe pendant 60 minutes. Tourner autour de la tombe. Donc ce bon vieux Robert Nesta Marley, il a été repris, remixé. Déjà, c'est ça il a été repris, remixé, ouais. Sur le prochain titre, là. Voilà, le prochain titre, donc, c'est Alborosi. Alborosi, on est d'accord? Ah non, moi, On n'est pas d'accord, je pensais mettre le Bob. Très bien. Bob is ok, ça marche. Alors, en fait, le premier morceau qui on va se passer, c'est donc Bob Marley, mais remixé par Guru, le grand Guru de Jazz Matas, de Gangstar. Donc, un Américain qui reprend et qui tchatche un petit peu en parallèle à Bob Marley sur le morceau Johnny Was a Good Man. Yes, et Guru qui est lui aussi feu mort. Décédé, il est décédé le 20 avril 2010, donc un peu plus d'un an. C'est pour vous dire si on est précis sur les dates. On est précis sur les dates. Non, voilà. En mai, fais ce qu'il te plaît. Mais en avril. Soyons précis quand même. Voilà. Soyons précis quand même. On fait pas de tout et n'importe quoi. On veut bien bosser, mais sérieusement. Ce sera suivi, ce sera mixé, ce sera enchaîné avec le morceau Natural Mystic, mais celui de Alborosi et Kimani Marley. Un des nombreux de la descendance Bob Marley. Yes, et Alborosi, italien exilé en Jamaïque. Voilà, l'italien, celui qui déchire les Jamaïcains chez eux. Il déchire ! Il les défonce chez eux, à domicile. Voilà, donc. Lui n'est pas mort, hein, ni son fils. Autant, non. Mais voilà, c'est une sorte d'hommage. Il faut préciser ça tout de suite. Bob Marley, lui, il est mort un 11 mai, on l'a dit, ce sera demain. J'imagine qu'il y aura plein de soirées près de chez vous pour fêter ça, les 30 ans de sa mort, des natural mystic hommages, des Bob Marley hommages, anniversary, birthday. Whatever. Ouais, ça sera l'occasion aussi. Il y en aura partout sauf à Bruxelles, puisqu'en fait j'en ai pas trouvé. Ah. J'en ai trouvé à Mons, partout, mais pas à Bruxelles. Ouais, mais enfin, il y en a une cet après-midi, mais ça on en reparlera dans l'agenda culturel. Ça sera l'occasion aussi de voir un petit reportage au 13h de Jean-Pierre Pernaud sur Bob Marley. C'est inédit, quoi. Même pas sûr. Peut-être. Oh, même pas sûr. Je parie ma petite pièce. Ça va. Et donc, voilà. Bob Marley qui était mort à 36 ans. Il était né en 1945. Mort en 1980. Ça fait 30 ans. Hommage! That's right. Truly, we're involved in a struggle. So, what we gonna do? We gotta make it right for our people. For our forefathers and mothers. That's right. United. For the seeds. We must be united. We must be united. Spiritual warriors. Woman hold her head high. Cause the sun has been shot down in the street and died. Supreme color scheme. Why brothers style the dirty cream? Yet worthy dreams may be obtained by worthy beings. Homicide statistics, obituary columns, numerous names listed, different violent types of behavior depicted. They murdered my brethren. He was a good man, protected his fam. We all respected this man. Still his life got held up like liquor stores or old school jams. What goes around resurfaces. Now is it worth it, kid? Do you really want to get out the game? Get out. I know you're nervous, kid. Ah, you're caught up like my boy Bokeem in a flick. Plus we know reality's much more worse and much more sick. Your cerebral I probe vocals, canvas your earlobes, destroying all microbes. The ill dynamic psychoanalyst. So understand that this beautiful world as we know it is definitely at risk. Righteous soldiers profess to be triumphant in battle. Loud cries from the cells, many cages rattle. Fire radiates heat, ice radiates cold. I radiate thoughts and ideas, all things within my control. Some men travel down twisted roads, and innocent lives been lost. May God bless his soul. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Into the light. Judge of people, stop detention. Got a dreamless dead tonight. It's natural and mystic. You must feel it in all the ear. If you don't feel it, simply means that all this time you never care. I'm the child, I'm the man, I'm the messenger, the flame. I'm the keeper of the secret, the one who done the game. I'm the prophecy, the legacy, the Bible is my soul. Jah, please bless up me chanting and just take it to the world. A natural mystic blowing through the the giant whole earth is Mount Zion on the side of the north. Rastafari know no policies for a reference for all the king who assembled. Jah! They passed by together, they sight so they marveled. They were troubled and hastened away. Fear took hold upon them there and pain as a poor man in chapel. Natural Mystic, Mr. Alborosi avec Kimani Marley sur Radio Panique. Pour tous ceux qui aiment le reggae. Rest in peace, Bob. Son chanson, la France a raison. Et ça, c'est pour tous ceux qui aiment pas le reggae. La France a raison. Parce que oui, Pascal Sevran était décédé, est décédé, pardon, en mai. Décédé, deux fois. Quand on parle imparfait, ça fait un peu deux fois. Ça, il est mort deux fois. Double sanction, quoi, double peine. Il est mort lui aussi en mai 2010. En mai. Pourquoi 2010, je sais pas. Il va peut-être nous manquer, un de ces quatre, quoi. Un dimanche ou quoi, je sais pas. On verra bien. Vous écoutez donc la spéciale mort en mai sur Tortoli, Art Attack. Et la station de radio, c'est Radio Panique. Ça va, il y a du lourd, ça c'est révisé. Et on va passer tranquillement à la chronique de l'expression de la semaine. En grande pompe. Une émission qui n'est pas morte, une chronique qui n'est pas morte. Loin de là. Et alors, on rappelle les scores de la semaine dernière. La semaine dernière, voilà, s'affrontait Monsieur Tortoli. Quelle est l'expression? C'était full bactérie. Full bactérie. C'est full bactérie. Voilà, une émission qui a... une expression qui a... J'aime bien. Qui a récolté combien? Bah, je sais pas. Deux. Tout à fait. Deux points. En tout cas, j'ai complètement oublié le sens de ton expression, mais ça va. Ça me fait full, rire. Tu veux que je refasse un petit... Non, pas du tout. Je sais pas. Les deux auditeurs qui ont voté pour moi pourront largement expliquer à Monsieur Arbatax pourquoi ils ont voté pour moi. Ok, moi j'avais en face faire sa folle. Wow, il a trop fait sa folle. Ah. Voilà, et j'ai récolté un point. Ah, d'accord. Ça doit être full bactérie dans ta tête. Dans mon slip. Mais bon, ben voilà, bravo. Bravo, monsieur Tortoli. Voilà. Bravo. Qu'est-ce qui se passe? Mais comme d'habitude, on est ex-aequo. Tortoli n'est pas mort. Au classement général, on en est où? T'as une idée, toi? Je suis remonté à la première place et toi tu es 12e. oui. 12e. Okay. 12e. 12e derrière Napoléon, Pascal Sevran, Louis XV, Léonard de Vinci, Henri IV. Et juste derrière Marcel Béliveau, wow, que tu talonnes à la différence de points. Marcel Béliveau. Surprise, voilà. Le monsieur avec les lunettes. Qui est mort en mai. D'accord. Lui aussi. Avant Bernard Montiel. Et avant Ben Laden. Bernard Montiel, il est pas mort. Et on aurait pu faire une semaine de Ben Laden, probablement. C'est vrai. Il est mort en quel jour, lui? Bon. Je sais plus. On sait pas trop, hein. En mai, nous, de toute façon. Il y a des polémiques. Le mois de mai dure qu'une journée. Il est peut-être même pas mort au mois de mai, Ben Laden, on sait même pas. Je sais pas, mais. On sait même pas. Et si on faisait une émission spéciale Ben Laden? À creuser. Creuser, Julien. Prends ça. On va voir ça. Donc l'expression de la semaine cette semaine. Marcia Tartoli, qu'est-ce que tu me mets dans la poêle? Qu'est-ce que je vous mets dans la poêle? Qu'est-ce que tu me lances? Alors voilà, je suis en cuisine, c'est chaud. Mais voilà, il y a plus rien dans le frigo. Alors c'est morte couille, il y aura rien ce soir. Morte couille, mon expression de la semaine. Bien. Pour dire il n'y a rien à faire, voilà, c'est foutu, c'est morte couille. C'est morte couille. C'est un peu inspiré des visiteurs, ce film de Poiret. Un peu. Un petit peu. Ouais, un tout petit peu. Ça va, on peut dévoiler les sources. Voilà, un peu beaucoup, ouais, mais c'est très bien, morte couille, j'adore. Film d'ailleurs ô combien rempli d'expressions de la semaine. Je pense que c'est une source intarissable. Donc pas mal, morte couille, ok. Juste en face, moi je propose de finir des mots en as, tu vois, le truc très classe, par exemple. C'est. Les bananas. Coupasse, les bananas. Non, mais voilà, comme par exemple le rappeur Seth Gecko là, qui est un petit peu gitan style, tu vois, et qui arrête pas de faire ma couillasse, truc comme ça, tu vois, ass, tu vois, c'est pour bien appuyer sur le côté dégueulasse. Ok, très bien. Non, mais ça peut être, voilà, j'ai, voilà, mais godasse. Jean-Pierre Godasse. Tu appuies la fin de ton mot avec ass, tu vois, tu rajoutes. C'est bien. Une expression qui n'est pas à la masse. Voilà, donc. Exactement. Mais j'essaierai d'en trouver au fur et à mesure de l'émission, comme pour bien qu'on comprenne. Je compte sur toi pour appuyer. Toute la puissance. De cette expression. Donc vous votez pour votre expression préférée. Ça se passe principalement sur Facebook, hein, c'est le plus simple. Nous on met l'émission en ligne sur Facebook. Toi tu me rajoutes juste un petit commentaire en dessous pour ton expression préférée. Et voilà, et tu participes à sur Facebook à la cuisine, ou sur Facebook As, voilà, sur okay. sur le web As. Ah, ok. Voilà, et tu peux aussi nous envoyer un mail à tortoli@batax.com. Ceux qui n'ont pas Facebook, gmail. C'est un peu morte couille, quoi. C'est morte couille pour eux, j'avoue. Mais c'est morte couille pour eux. On a quand même une petite adresse Gmail. Gmailas, voilà. Peut-être. Gmailas. Et voilà, tu lasses un petit commentas. Hélas, trois fois, hélas. Hélas. Voilà, vous avez compris le principe. On va enchaîner avec un petit peu de musique. Là, c'est deux gros classiques avant même le classique de fin d'émission. On a tout de suite deux gros classiques. Le premier, j'imagine que c'est Monsieur Frank Sinatra qui chante son amour pour New York et qui donc, lui aussi, est mort en mai. Un mois de mai. La date exacte, c'était le 18 mai 1900. Une idée, Tortoli? 2010? Non, bien avant. Une grande année pour l'équipe de France. Ah, 41. Ouais, tout à fait. Avec Monsieur Juste Fontaine et ses 13 buts. Non, c'était le 18 mai 1998. Monsieur est mort à 82 ans. Rempli de full big tune, quoi, pour Monsieur Frank Sinatra, notamment My Way, etc. Mais nous, on a choisi New York. Monsieur Frank Sinatra nous chante son amour pour la Big Apple. Et puis, ce sera suivi d'un petit Django Reinhardt, voilà, lui aussi décédé un mois de mai. Le roi de la guitare. Voilà, tout à fait. Il va nous chanter Belleville. On s'enchaîne ça et on revient juste après pour l'agenda culturel et moult surprises, moult bonne humeur, etc. etc. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. New York, New York, wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill. It's up to you, New York, New York, New York. Allez, hit it. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. Mes amis. Allez. Je crois que nous avons un sérieux problème à régler. Allez. Django Reinhardt avec Belleville, dédicacé à Dominique. L'agenda Q. L'agenda Turel. C'est l'agenda culturel, ma gueule. Ma couillasse. Tu vas savoir où est-ce que ça se passe cette semaine. Inadi Brussels Town. On a 2-3 soirées à exposer. Sûrement exploser si on y va. Yes, un agenda culturel rempli de... De mort, encore. De culture. De culture, pardon. Bravo. La culture est morte, de toute façon. Il est mort. Elle est morte, la culture. Elle est morte, la culture. C'est ça, donc. Yes, c'est un freestyle, Herb Attax. Un freestyle. Ok, en ce mardi 10 mai, d'ailleurs, c'est un événement qui a déjà commencé. C'est peut-être la première fois que je présente un événement qui a commencé à 15h, alors que là, nous sommes déjà à 17h35. D'où le fait direct. Que j'ai pas mis le jingle de Bernadette. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors il y avait un petit hommage justement à Bob Marley, ce sera le seul que j'ai trouvé. Il se passe en ce moment même et depuis 15h cet après-midi sur le campus de l'ULB, le campus de la Plaine. Là-bas il y a un petit foyer et autour du foyer il y a quelques activités du style Graff. Ouais. Graff, voilà, donc concours de Graff, ouais. Etc. Et ce sera enchaîné avec des sound system, voilà, Roots quoi, Reggae Roots. Routas quoi. En hommage à Bob et je crois, si mes informations sont bonnes, que ce sera Exodus Freedom Fighters et puis Goodfellas Sound System. Voilà, donc si vous êtes du côté de l'ULB. Goodfellas. Fellas, ça te fait penser à. Ah oui. Fais la couti. Hard job. Non, pas du tout. C'est la couture. Voilà, donc c'est en cours, hein, c'est en cours. Pour mardi, moi, c'est tout ce que j'ai. Très bien. Sinon, c'est morte couille. Ouais, moi, c'est que dalle. Mardi, rien. Nickel. On passe au mercredi ou comment ça se passe? Rapidos, hein, rapidas. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain. Mercredi 11 mai, donc l'anniversaire justement de la mort de Bob Marley des 30 ans. C'est là que j'ai pas trouvé de soirée. J'aurais bien imaginé une petite soirée hommage sur Bruxelles. J'en ai pas trouvé. Donc bon, j'ai rien quoi. Moi j'ai quelque chose, mais c'est mort. Et voilà. Comme c'est une émission spéciale mort en mai 2011. Vas-y, genre, c'est quoi? C'est Moon Kimby et c'est sold out, donc c'est mort. Donc c'est morte couille. Et c'est Moon Kimby à l'ancienne Belgique. Voilà. Et c'est mort. Tu peux toujours aller écouter ça sur YouTube. Sur, voilà. Pas de ça problème. Va. Ça va. Next. Jeudi ou quoi? Jeudi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi oui. Jeudi oui. Ah, jeudi. Ça va, jeudi, j'ai un petit, une petite idée. Si tu sors du taf sur les coups de 17-18h, tu peux aller au lift des Marolles, hein, l'ascenseur qui est entre le palais de justice, la place Poulart en haut et la place qui est en bas. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Bon, bref, c'est l'ascenseur blanc là. L'ascenseur pour le ghetto. Voilà, c'est ça, c'est exactement l'ascenseur pour le ghetto. En haut de à côté de la rue Haute quoi. Ouais, voilà, exactement. Dans les Marolles. Et voilà. Et ben, il y a un bar juste au pied de cet ascenseur et qui organise un petit afterwork sur le thème du Minervois, donc les vins du Minervois, donc ça, des vins du sud de la France, des petits vins rosés, des petits vins blancs, comme ça, très frais. C'est bon, voilà. Si jeudi, il y a encore un petit peu de soleil, tu sors du taf, tu te rends là-bas et tu goûteras du bon vin. Voilà. C'est une et idée, c'est une quid idée. Quid des chômeurs? Ah, les chômeurs, mais ça va, c'est à prix démocratique. Les chômeurs. Non, parce que tu dis, si on sort du taf, on peut y aller. Mais j'avoue que les afterwork. Je à suis la base, au chômage, comment je fais? Bah non, c'est bien si t'es au chômage, mais tu peux venir dès 14h. Ah, si t'es au chômage, viens à 14h. Ok, bah je viendrai. Viens prendre ta table juste avant, quoi. Très bien, très tranquille. Bien. Bah moi j'ai un truc aussi jeudi, mais bah voilà, c'est mort. J'imagine, oui. C'est trop cher. C'est 25€, c'est Rakim, c'est le son qu'on entend derrière là, l'instru de Guess Who's Back. Guess Who's Back. Et Rakim il passe au VK, mais vu que c'est 25€, c'est mort. Morte couille, ça va. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Ah. Vendredi, hein, c'est vendredi 13 d'ailleurs, je sais pas pour les superstitieux. Bah c'est mort, moi je sors pas. C'est mort, c'est mort. Trop de danger. Je sais pas, tu peux aller te rendre au Kingston Festival, le Festival des Arts. Je suis allé la semaine dernière, c'est mort. C'est mort. Ça va. T'as quelque chose toi vendredi? Bah non, franchement non. Passe au samedi, j'ai la dose. Non, j'ai un petit truc quand même vendredi qui sera mort à mon avis si tu t'y rends vers 2h du matin, puisque c'est la Stenage Party, c'est la 10e édition. Uh-huh. Et à mon avis vers 2h du matin ça sera mort parce que ça sera complet. Et uh-huh. Voilà, juste pour vous donner ça se passe fait, où? C'est au Recyclard. Oh, excuse. Non, mais excuse de. Sorte de base. Pardon. Et la grosse tête d'affiche, c'est Joy Orbison. Voilà, un anglais ou un mec qui parle anglais. Quoi. Voilà. Un type dans ce genre. Probablement. Ça, c'était donc vendredi. Ça, c'est vendredi, c'est Recyclard et c'est entre 8€ et 10€ si tu t'y prends tôt ou tard. Tôt ou tard. Stenage party 10. Viens avec et un petit peu de caillasse. On fait samedi en mode Saturday Night Fever. Samedi 14 mai. Sachez que c'est la Gay Pride à Bruxelles, ce qu'ils appellent The Pride, juste. Ça se passe à Bruxelles entre 11h et 23h30. C'est mort pour moi. C'est mort pour toi. Ouais. Ça va, donc c'est pas là-bas qu'on te croisera. Morte couille. Voilà, mais sinon il y a aussi le festival Jamming Jet. Ah yes. Jamming Jet, ça se passe au parc de la jeunesse à Jet. Jet. Jette. Et voilà, c'est un festival gratuit, ça fait plaisir, ça commence dès 11h du TAM. Et puis voilà, entre autres, il y aura. Il y aura Fundé, il y aura Menoir, il y aura Don Fiasco, donc une fanfare. Il y aura Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Ah oui, ça. Donc voilà, qui ont sorti un album récemment et qui ont pas mal d'actu en ce moment, ça a l'air pas mal. Voilà, et puis entre autres, Mousta Largo, Malik Patesso. Patesso. Ah ouais. Voilà, mais c'est pas bon le patesso, hein. J'aime pas du tout, ça dégouline. Moi, une fois, j'ai essayé le patesso dans le micro-ondes. Dégueulasse. Ah, j'ai pas pu manger le patesso. Pareil, j'ai déjà mis des rillettes sur le radiateur, je te laisse imaginer, quoi. T'as essayé les... Voilà, ça c'est Jammin' Jet, en tout cas c'est gratuit, c'est samedi toute l'après-midi jusqu'à 23h30 le soir. Je continue, Tortoli, t'as quelque chose, c'est le samedi. On se le fait en quinconce ou non, je continue sur ma lancée. Moi le samedi c'est mort. C'est mort, donc je continue, il y a la soirée Strictly Niceness, voilà, je l'ai bien dit, ça se passe à Molenbeek, à la Bodega 1080 Bruxelles. Et je t'applaudis. Voilà, ils invitent cette fois-ci DJ Format. Formaté. Pas les soirées formatées. Ah non, mais Format. Là c'est DJ Format. Ah ouais, voilà, ouais. Qui nous vient. Direct from England, from UK. Voilà, donc ce sera un petit peu un mix toute la soirée. DJ set, DJ format qui a collaboré avec Charlie Tuna notamment. Un grand collabo. Du Jurassic Park, j'allais dire, mais Jurassic Five, ouais. Voilà, donc il y aura big soirée dansante, funky pop latino, boogie woogie, je sais pas. Voilà, le mec il connaît, il sait faire bouger les poum poum. Y a pas de souci. Et j'ai pas checké le price, mais voilà, faut venir avec un peu de caillasse là encore. J'ai pas de thune, donc c'est mort. Et si je peux finir pour samedi tranquillement, le temps que tu te relaxes, y a la soirée I Need Low qui se passe à la gare. Bruxelles, Congrès, bien vu Tortoli, oh là là. C'est boulevard Pacheco, entre la cathédrale et le botanique. Ils invitent Mark Henning, qui est un Allemand mais qui habite à Londres. Ils invitent Oniric, qui est un DJ belge mais qui habite à Londres, là encore, apparemment c'est là que ça se passe. Et puis il y aura Walrus pour le warm-up. Walrus. C'est ça. Voilà, la soirée I Need Low. Voilà une petite soirée underground, électro. Ok. Tutti quanti. Voilà. Tutti quanti, on passe au dimanche. Allez. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine d'après, il y a des trucs. T'as des trucs, Arbatax? Non. Non, c'est non, mort pour non, toi. Non, je. Mort aux couilles. Moi tous les dimanches, je m'entraîne là, activement pour le 20 km de Bruxelles. C'est bon à savoir. Donc le dimanche, maintenant, je cours. Ok. Tu cours après quoi? Après l'amour. Oh. Alors voilà, n'oubliez. Comme Jennifer. Comme Stromae aussi qui court. Toutes ces références dans une seule phrase. T'as vu ma couillasse. C'est ça. Moi j'ai quand même quelque chose le dimanche. Ouais. C'est dans le cadre de TV Marol. TV Marol qui avait été un projet lancé par Rossi Clark. Dimanche à 16h, rendez-vous à la place du jeu de balle. Il y a un jeune homme qui s'appelle Nizar et qui veut rassembler 1000 personnes place du jeu de balle pour chanter la Brabançonne en 3 langues. C'est nul. C'est mort. C'est pas mort. Si, c'est donc mort. Donc voilà, vous vous rendez à 16h, place du jeu de balle. Je connais. Aussi appelé place. Place du ballon, place de. Voilà, c'est dans les Marolles. Oui, place du jeu de balle, non, j'ai cherché quelque chose. Non, je pensais que. Ouais, place du ballon. Il y avait un autre nom. Non, place des puces, quoi, du marché aux puces. Ouais, marché aux puces. Je sais pas, un truc comme ça. Marché aux puces. Voilà, donc venez chanter la Brabançonne en 3 langues et venez sauver la Belgique. Donc nickel. Ça, c'est dimanche à 16h et c'est dans le cadre de TV Marol. Et elle est belle comme ça, on a fini l'agenda culturel. Elle est belle Mirabelle. Nickel, on repart sur du son, toujours sur notre thématique des grands artistes qui sont malheureusement décédés un mois de mai. On fête aujourd'hui leur anniversaire, on souffle pas de bougie mais presque. Et on va partir avec, je sais pas... Henri Salvador. Par exemple. Salvador qui est mort en mai, oui, vérifié sur Wikipédia, il n'y a pas de soucis. Hein. Il n'y a pas d'embrouille. Voilà, Henri Salvador, très connu pour son rire, son fou rire légendaire. Voilà, et sa proéminence under ceinture. Ah bon? Ah ouais, t'étais pas au courant? Non, il avait un. Ouais, bref, attends, mec, Juanita Banana, c'était. Ouais, enfin, ouais, il peut chanter, mais bon. Il peut chanter, moi. Moi, je ne chante pas, par exemple. Il y en a qui ont plus une grande gueule qu'une grande. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Ah, qu'est-ce qu'il s'est. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est ceux qu'on parle le plus quand. C'est vrai, paraît-il. Donc, on va s'écouter un petit. Et ce sera suivi avec quoi? Henri Salvador, et puis. Je sais pas. Comme tu le sens, comme tu le sens. Je sais pas, on avait Jeff Buckley qui était mort aussi. Ouais. Voilà, qui est mort à 30 ans. Il y a Christophe Colomb aussi qui est mort au mois de mai. Mais je sais pas s'il a sorti un deux titres là, récemment. Il y a Burning Spears qui a un morceau Christopher Columbus. Ah ouais. Un gros morceau reggae aussi. Classic tune. On va checker ça. On peut essayer de trouver ça. Donc ce sera Henry Salvador suivi par peut-être Jeff Buckley, peut-être autre chose. Ce sera la surprise. En tout cas, c'est maintenant. C'est sur Radio Panic. C'est le 105.4. Mets-toi à l'aise. On approche tranquillement de 18h. Reste avec nous. Macuillas. Henri Salvador, faut rigoler. Allez, Arbatax, faut rigoler. Faut rigoler. Faut rigoler. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la pile à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, dire les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, inventèrent le tabac. Et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tout de bois. Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel ne tombe sur la tête. Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar! Vous réagissez négativement! Et le tiers-monde, vous en faites quoi? C'est une bonne question! D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté? D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. Ça y est, on a trouvé la solution, on va se faire un mort mix. On va enchaîner Dalida avec Itsy Bitsy Bikini. Ce sera suivi de Jeff Buckley et il y aura aussi le grand Charles Trenet. Voilà, c'est sur Tortolier Batax. C'est le mort mix. 1, 2, 3, dici sotto cosa c'è. Portava un Itsy Bitsy Bikini Winnie, tu partiti con lo bikini che copriva da qui fino a qui. Un Itsy Bitsy Bikini Winnie, tu partiti con lo bikini

Voilà, c'était le Mormix sur Tortelier Batax. En mai, tu peux faire ce qu'il te plaît, tu peux même mourir et tu seras dans l'émission Tortelier Batax. C'était juste à l'instant le Mormix où on s'est passé donc Dalida avec Itsy Bitsy Bikini. Il y avait Charles Trenet, de la joie, il y avait Jeff Buckley qui est mort à 30 ans. Alléluia. En mai. Alléluia, voilà, qui est mort noyé dans le Mississippi. Il nageait, il s'est fait emporter par une vague. Triste affaire. Et puis on a fini avec Burning Spears, Christopher Columbus. Voilà le découvreur, hein, j'ai envie de dire, des West Indies. Donc peut-être celui qui a lancé le reggae finalement. Ah peut-être. Eh oui, finalement. On va mener l'enquête. Et qui lui aussi est mort un mois de mai, mais là c'était il y a longtemps. Je pense pas qu'il y ait de gens qui font encore le deuil de Christophe Colomb. Loin de là. Voilà, mais il y avait aussi d'autres gens encore qu'on aurait voulu passer dans l'émission. Il y avait, je sais pas moi, Pierre Bérégovoy, j'ai vu qu'il était mort au mois de mai. Ayrton Senna, le grand pilote brésilien. Exact. Mais bon, là, je pense pas qu'on va trouver des chansons pour leur rendre hommage. Si, moi j'ai quelque chose. Tu déconnes. Écoute bien. Mais comme Bérégovoy, aussi vite que Senna, je veux atteindre le Nirvana. Comme Bérégovoy, clic, clic, boum, aussi vite que Senna. Monsieur Doc Gynéco, Nirvana. C'est ça, ben voilà, pile poil. Pile poil pour clôturer notre émission. Merci à tous d'avoir écouté cette émission spéciale Mormais, Mormix, Mort en mai. Mort en mai. Voilà, hommage. Hommage à tous les artistes morts en mai. Voilà, pourquoi pas, c'était le thème de cette semaine. Vous pourrez écouter cette émission sur Facebook ou sur Mixcloud, Soundcloud, je ne sais plus, Mixcloud. Archive, Mixcloud, Radio Panique, tout. Voilà. Voilà, on vous tient au courant sur Internet. On va se finir avec un petit classique, hein, Bob Marley. Cette semaine, c'est les 30 ans de la mort de Bob Marley. Forcément. On se finit avec le morceau Mr. Brown. Yes, exact. Mr. Brown, soit il parle de la cocaïne, qui est aussi appelée Mr. Brown, soit il parle d'une légende qui existe en Jamaïque, d'un landau qui est en haut d'une colline avec des corbeaux. Et voilà, c'est une légende, tu vois. Tu me fais bader. Là. Voilà, comme la Dame Blanche, tu vois, qu'on croise au bord des routes, là, c'est un petit peu ces rumeurs comme ça. Et ben en fait, voilà, Bob Marley aurait écrit l'histoire d'une légende qui tournait comme ça en Jamaïque. Mr. Brown, voilà, les corbeaux qui étaient sur le couffin demandaient à voir Mr. Brown aux gens qui passaient devant. Enfin, je sais pas, c'est un truc effrayant. On ne sait pas trop bien l'origine de cette chanson. Trois hommes mais et c'est un couffin. Le classique de la... Trois corbeaux et un couffin. Toi, t'as envie de dormir. Oh là là. J'ai envie de dormir à Batak. Je suis claquasse, ma couillard. Et n'oubliez pas de voter pour l'expression de la semaine, oui, tant qu'à faire. Parce que ça n'est pas morte couille. Voilà, et on va se rejoindre la semaine prochaine. En tout cas, on vous laisse tranquillement avec Djibouti, une émission sur les musiques du monde. Cette semaine, je ne connais pas leur programme, mais c'est surprise. Spécial bière, apparemment, parce que j'en vois beaucoup. En tout cas, voilà. Bah c'est, on serait sur une spéciale bière. Voilà, merci à vous, restez connectés sur Radio Panique. On se quitte avec Monsieur Robert Nesta Marley. Le morceau c'est Mr. Brown. Merci à tous, à la semaine prochaine et bonne soirée. Et big up, big up. Mr. Brown, I wanna know who. noise, make a raid. Je veux atteindre le nirvana.